Bonjour, ici Sébastien Benoît, animateur de... Occupation double. Et quelquefois danseur exotique. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Ah, salut Fred, ça va? Ça va bien toi, Antoine? Oh oui! Jean-Philippe Durand! Salut Fred, salut Antoine. Salut! Ah, salut! Ça va bien vous deux? Ben oui, toi? Ben oui, ça va pas pire. Le super gag de Mathieu Bouillon! À des gratteux de petits prix! Ah, il m'étonnera toujours. Ton... Ah, c'est vrai que tu ressembles à gratteux. Oui, un peu. Hein, oui, oui. Il y a quelque chose. Oui, c'est peut-être ta sonde à jouer. Oui, c'est ma calvitie. Le couch gag de Mathieu. Ouais. Alors, oui, hein. Bienvenue à Pas de problème, la balado où on. Souvent, on donne des solutions qui causent plus de problèmes. Alors. Oui, c'est vrai. Qui en crée, même. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais c'est parce pour rester en vie, on a besoin d'autres problèmes, hein? T'as raison, Frédéric, c'est une belle philosophie que t'as là. Mm-hmm. T'as donc bien confiance, toi. Et de problème en problème, nous naviguons vers une mort certaine. C'est Rudyard Kipling. Certaine? Ah ouais? Non, j'ai menti. C'est la moitié du livre de la jungle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je fais confiance à la technologie. Qu'on mourra je pas. Je ne mourrai jamais! Grâce à Balotechno, mesdames, messieurs. Oui, cryogénie. Qui nous accueille encore une fois cette semaine. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est merci. Très beau chez vous. Vraiment, c'est magnifique. Bravo les mimes. Les tartines étaient délicieuses. Ah, ouais. C'est chaleureux. Un foyer par pièce, on dirait que je ne peux pas le croire. Ouais. Puis c'est sincère, on est à l'aise quand il y a un bruit dans les murs. Ça se peut-tu? Oh. Oh, oh. Je pense que c'est ce qu'on appelle du cachet. Alors, cette semaine, le problème, Jean-Philippe. Oui, ben vous êtes parti pour une beurrée de problèmes. C'est très long, mes chers. Bon. Mais c'est vraiment intéressant. Mais on aime ça, du détail. Oh, oui, non, il est parfait. Il y a certains bouts que celui qui demande le problème, en tout cas qui pose le problème, disons, propose, oui. Que les deux ans, dit de dire ou pas dire, donc on a le choix. Mais je vais tout lire quand même, parce que ça reste intéressant à faire la mise en contexte. D'abord, je souhaiterais rester anonyme. Merci beaucoup. Mais Mathieu pourra me créer un nom fictif parce que je sais que ça lui fait plaisir et que ça vous facilite pas mal la vie. Très bien, éclair de lune. Ça sera donc éclair de lune. Oui. Parce que, comme il dit en parenthèse, parler à un nom, c'est plus facile qu'à un perso flou. C'est vrai, éclair. Éclair. Donc, ce sera éclair de lune. C'est un peu perso flou pour moi. Ouais, c'est encore plus flou. Non, t'es mieux de l'appeler inconnu. Partant de là, je me présente. Pas besoin, si ce n'est pas nécessaire, d'en faire la lecture durant l'enregistrement, mais au moins vous aurez une idée précise de cette personne qui vous envoie son problème. Je suis un gars dans la jeune trentaine. Si on oublie mes sidelines, j'ai un travail qu'on pourrait qualifier de public. Genre pas un travail de pouce-crayon dans un cubicule comme celui de Mathieu Bouillon. Dans lequel je me sens moyen à ma place. Dans lequel je me sens moyen à ma place, sans trop savoir pourquoi encore, bien que je le pratique depuis une dizaine d'années. Donc, il ne se sent pas à sa place à cet endroit-là. Pour me sortir de cette job et en attendant de trouver ce qui me gosse là-dedans, je pars ou prends part à divers projets que je trouve cool, mais desquels je ne vivrai jamais. De toute façon, ce n'est pas nécessairement le but recherché dans la poursuite de ces projets. Tant mieux si l'argent rentre, mais ce n'est pas pour faire du cash que je fais ces affaires-là. Pardon. J'ai un bassin respectable, pas ultra nombreux, mais en nombre bien suffisant de bons amis. J'ai beaucoup de connaissances plus ou moins éloignées avec qui j'entretiens des relations très souvent en surface. Dans ma vie personnelle, couple ou non, mon bonheur passe souvent par le bonheur de la des personnes S avec qui je suis en relation, même si je sais que c'est pas correct. Je suis pas habitué à faire les choses pour me faire plaisir d'abord et avant tout. Dans ma vie de couple, j'ai donc de la difficulté à distinguer faire des compromis et me piler dessus. Dans ma vie professionnelle, je suis exigeant envers moi-même et envers ceux avec qui j'exerce mon métier, les collègues et les clients. J'ai donc l'air insatisfait la majorité du temps. Je reconnais mes bons coups plus souvent qu'autrement, mais on dirait que leurs bienfaits n'arriveront jamais à éclipser les traces laissées par les échecs ou ce que je crois perçoit être des échecs, même si ceux-ci sont de bien moindre importance que les réussites. Comme si réussir était toujours normal, c'est ça qui est supposé arriver, on ne va pas en faire toute une célébration et échouer un drame. Cette situation est particulièrement frappante dans les relations du couple, probablement à cause du plus petit nombre d'histoires comparativement aux amis ou à la job, des domaines où ma lucidité est, je crois, plus grande. Mon problème. Bing! Réveille, Antoine. Réveille-toi. Oui. Une fois l'enfance et l'adolescence, moment où l'on façonne son identité personnelle loin derrière, comment développer sa confiance en soi? Pas tant la patcher que la développer. Merci beaucoup, bonne continuité et bonne chance, Mathieu. dans mon travail de cubicule? Oui, c'est okay, ça, exactement. Ouais. Ah, pousseux de crayon. Oui, il y a peut-être déjà un paradoxe dans la question. Oui. En fait, ben, semble-t-il que la confiance en soi se bâtit dès le plus jeune âge. Et donc, il dit d'oublier une fois la jeunesse et l'adolescence passée, comment faire? Mais semble-t-il qu'il y aurait déjà un gros travail de fait à ce moment-là. Mais c'est là le problème. Je pense qu'il en est conscient de tout ça. Et donc, il fait, mais maintenant, comment je fais ça? Mais comment patcher ça? C'est pour ça qu'il utilise patcher. Ah, okay. Est-il trop tard? Ouais. Mais je pense qu'il y a toujours une possibilité. C'est juste que c'est peut-être extrêmement difficile, contrairement à ton plus jeune âge où c'est extrêmement facile. Non, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Moi, je dois vous avouer que je suis pas mal d'accord avec lui, je pense. Ouais. Tu sais, je suis pas par rapport à la résolution du problème, mais je pense vraiment que ces années-là nous forment, surtout primaire, secondaire, là. Puis qu'après ça, tu en vis les conséquences pour le reste de tes jours. Là. Mais moi, je pense. En tout... Ou les bénéfices. Ou mais les bénéfices, là, exactement. J'ai connu des gens qui ont eu des confiances en eux plus tard. Ouais. Des fois, on voit ça, mettons, des gens au travail, justement, qui trouvent un domaine dans lequel ils se réalisent beaucoup. Là, puis là, on dirait que ça change leur personnalité. Là. C'est un peu comme genre le gars qui était reject au secondaire, mais qu'au cégep, il est un peu intello cool. On dirait qu'on a connu des gens comme ça aussi. Là, des fois, il y a juste un élément qui va changer la confiance, soit justement monétairement ou l'amour ou quelque chose, trouver la bonne personne. Ou des fois, il y a juste un switch qui va faire que ça va tout... tu vas retrouver une confiance que tu avais. Peut-être que c'est ça. Des fois, on a une confiance cachée de jeunesse qui pourrait ressurgir. Mais c'est drôle, on en a parlé tout l'automne presque, Mathieu, tu sais, de la propension au bonheur. Oui, c'est vrai, oui. J'ai l'impression que les gens qui sont angoissés sans arrêt pour aucune raison, tu sais, ça doit faire partie du comportement de base, là, cette affaire-là. Ouais. Je sais pas où... C'est ça. Là, est-ce qu'il y a des questions physiologiques en jeu? Le déterminisme nous guette toujours. Mm-hmm. À savoir ce que tu peux changer ou non quelque chose. Et si on peut, il faut voir. C'est sûr que c'est en grande partie psychologique. On l'aura vu, par exemple, dans ce fameux album des Schtroumpfs. Le petit Schtroumpf qui veut courir plus vite. Là. Et grand Schtroumpf lui met de la confiture sur le nez. Mmh. Il dit, tu vas voir, tu vas courir plus vite. C'est magique. Soudainement, il court plus vite. Et le grand Schtroumpf, après, lui dit, ben non, je t'ai juste mis de la confiture, mon gars. Tu as eu l'air cave pendant 48 pages. Donc, l'effet placenta, c'est ça? L'effet placenta. L'effet placenta, ils l'ont c'est fait comme ça qu'on dans Futurama, où Bender devait devenir un bon chef cuisinier. Puis là, il y a quelqu'un qui a donné l'ingrédient magique dans une bouteille. Ouais. Il a dit, ben non, c'était juste de l'eau. Puis à la fin, ben juste de l'eau avec de la cocaïne. C'est drôle. C'est délicieux. Kung Fu Panda? Ouais. Ah oui? Ouais. Ben oui, le secret pour devenir bon, tout le monde le veut. Tu déroules la patente, puis il n'y a rien. Ouais. C'est juste de faire. Ouais. Bruni Surin aussi, avec les bobettes de femmes. Oui. Il y avait C'est Bull Durham, ça. Ah, excuse-moi. Le conte de La soupe au bouton. Est-ce que vous aviez ce livre de Walt Disney-là? Oui, oui, oui. C'est genre Mickey qui fait une soupe. Là. Il y a cette thématique-là récurrente. Mais évidemment, mais c'est par rapport aussi, puis il en parlait, au succès, puis c'est quoi réussir, c'est quoi la confiance en soi, c'est quoi... C'est ça qui est embêtant, parce que différentes philosophies orientales nous diraient, par exemple, que l'homme sage ou confiant n'agit pas. Hein, ça va un peu contre notre vision occidentale, la patente, où on doit réussir, accomplir des choses. Mmh. T'as besoin d'être confiant pour réussir, mais dans le fond, pas nécessairement. Tu peux juste surfer au charisme, là, donc. Non, mais c'est juste par rapport à confiance, par rapport à quoi, tu sais? À réussir dans son travail, mais ça, c'est une donnée un peu artificielle, même si tu ne sais pas. Parce qu'on s'est convaincu que ces réussites-là étaient importantes. Là, tu fais, mais moi, si j'y arrive pas, il me manque quelque chose, hein, peut-être, entre autres, la confiance, mais tout ça, c'est peut-être un peu artificiel. Ben, je ne sais pas si c'est tant les réussites pour lui, je pense qu'il a l'air... passablement satisfait. Je pense que c'est vraiment... Alors, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin. Non? Peut-être un faire un accomplissement héroïque, là. T'sais, comme genre sauver une banque d'un hold-up ou sortir des laveuses sécheuses d'un incendie. Ou ouais. Ah, mes laveuses sécheuses! Merci. Merci, éclair de lune. Merci, éclair. Mes chats sont dedans. J'avais rangé mon bébé dans la sécheuse. Ouais, mais c'est ça, on revient à la question de part. Il y a du monde qui vont faire beaucoup moins que ça. Qui vont être très confiants en eux, qui vont dire « Hey, t'as-tu vu, j'ai réussi à... Ouais. » à je sais pas quoi, à faire une niaiserie. Tu vois, non, lui, il est convaincu que c'est le bout de la merde. Puis il y a quelqu'un d'autre qui réussit tout le temps, qui fait « Ah non, ça va pas bien, je sais pas, j'arrive pas à... » C'est vrai. Mm. Moi, je pense que... J'essaie de... Dans notre jeunesse, là, où se forme notre confiance, il reste que, peu importe, être le petit gars populaire de l'école... ou la tronche, ou le bouc émissaire, peu importe quel enfant que tu es, il doit y avoir des moments dans ta journée ou à la maison, tout seul, où tu as une confiance. Puis aller chercher celle-là. C'est vrai. Tu comprends? Ouais. C'est ce à quoi sert l'émission Cornemuse. Ouais. Ouais. Non, mais... Littéralement. Voilà. Par exemple, si Éclair de Lune, il était fort au Lego... aller chercher ces moments-là. Parce que des fois, on se concentre trop sur... Cette aisance-là. Oui, ouais, c'est ça. C'est clair là, que même ceux que moi, je bavais quand j'étais petit, je suis sûr qu'il y avait quelque chose de spécial. Ouais. On a toute notre zone de confiance. J'étais tellement jaloux. Ouais. Non, mais tu sais, on a toute notre zone de confiance. Moi, c'est comme de l'élargir. Oui. Mais c'est pas extensible. Là. Mais moi, je pense que c'est comme... Un peu comme les résolutions. Tu fais « Ah, cette année, je vais faire ça. » Puis là, ça ne marche pas parce que c'est trop gros en partant. Faut vraiment là, des petits blocs. Là, petite habitude par petite habitude. Fais du bruit. Mais oui! Alors, la compagnie Bois-les-Boileaux est toute là. Alors, Mais tu vois, moi, je le vois d'une autre façon. Parce que là, vous associez beaucoup la confiance à la réussite. Commencer par une petite chose, réussir une petite chose ou réussir une grande chose héroïque. Ce sont des choses qui sont revenues. Mais moi, je pense au contraire, la confiance, c'est quand tu rates ton coup. C'est quelqu'un qui rate quelque chose, qui va pas grave, je l'ai raté. Oui, absolument. Je rate tout, mais ça va. Parce que j'ai confiance en moi, puis je sais que je vais soit réussir ou non, de la merde, je suis bien, je sais pas trop. Oui. Comme la chanson là, de... Donc, construire sa confiance, pas tant de réussir que de rater son coup. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est cette confiance-là qu'on cherche. Là. Moi, je dis pas réussir. Non. Non, mais tu disais, on se fixe des objectifs, par exemple, des résolutions. Mais c'est trop difficile à commencer par de petites choses. Donc, réussir de petites choses. Mais c'est pourtant de réussir de petites choses, c'est de rater de petites choses, tranquillement. Non, mais moi, si je parle de petites choses comme. Mais ça, c'est une petite chose de faire, de justement accepter. Je vois. Accepter l'échec, mettons. Petite affaire. À partir d'aujourd'hui, là, j'essaie d'accepter un peu plus l'échec. Ou je m'entraîne, je vais faire des échecs. Ça, j'en fais. Je vais les vivre. J'en vis. Je me mets un peu dans la merde pour en vivre, pour m'habituer ou pour m'entraîner à vivre des échecs, mettons. Ouais. Mais tu sais, c'est relativiser l'affaire, j'ai l'impression. En termes d'échecs, disons, c'est donner l'importance aux choses. C'est aussi avoir assez confiance pour te dire cet échec-là n'a pas d'importance en soi. T'sais. Je suis plus fort que cet échec-là, je vais réussir après ça, je vais essayer d'autres comme affaires. Comme la chanson de Whitney Houston, « If I fail, if I succeed, I'll die of... » Je pensais que tu avais parlé de « I'm every woman ».« I'm every woman », ben un peu aussi. Vas-y, Claire, « You're every woman ». Mais oui, moi j'ai eu un test d'humilité, moi, une fois, ben plus qu'une fois, tu sais. Puis Régulièrement. Mais je pense que des choses comme ça peut... la fois où j'ai... la course dans Ruelle tantôt. Là, où j'ai fait, non, du patin de vitesse, c'était un échec monumental. Okay. On en a passé un bout à l'émission que j'animais. On a ri beaucoup. Et quoi, cette émission-là? Les Gémeaux, mesdames et messieurs. Oh! Wow, c'est cet épisode-là qu'il avait proposé. Ouais. Ah, c'est bon, très cool. Quand même, Tu t'étais enfargé dans des Gémeaux en patin. Puis as-tu gagné aux Gémeaux? Non, j'accepte l'échec. L'échec dans l'échec. Bravo. Ouais, voilà. Ah, Ouais. C'est comme une poupée russe d'échecs, ma vie. Ouais. C'est plat. Mais vous auriez dû envoyer l'épisode du ballon dans la fourche de ton co-animateur Renaud Saint-Laurent. Oui, mais ça, allez le voir, hein. L'homme au ballon dans la fourche sur YouTube. Ça a combien de views, cette affaire-là? Je sais pas, je checkais. C'est tellement drôle. Et le Sandman était tellement bon. OK, je vous explique rapidement. Oui, là, coup d'enclume. On fait une démonstration de ballon chasseur. C'est tellement Renaud drôle. Dit, lance la tapinote. Et le Sandman, il est prêt à faire son petit bruit de métal, de coup de marteau sur du métal. Et en direct, Renaud reçoit le ballon dans les couilles d'une force extrême. Ça pas, ça il tombe par terre. Et écoute, toutes les fois où après on pouvait le passer à la télé, on le faisait. C'est tellement drôle, là. Mais voilà. Mais ça, c'est un... Il s'est relevé de ça. Ben, oui. Ça, c'est un beau test d'humilité. Mais c'était humiliant comment il se tordait de doux. Ah ouais, puis il essayait de parler quand même. C'est ça qui était drôle. Il essayait de continuer son texte au lieu de sortir. Grand fou, va. Rire des autres, ça aide quand ce qu'on, oui. On se compare. Non, mais c'est vrai, j'allais dire ça, tu sais. Tout le monde, en quelque part, est un peu trop de cul, tu sais. Ah, clairement. Tu sais, dans le sens qu'on est tous un peu poche dans des affaires où on se la joue tous sur certains points quand on n'a pas raison sur plein de choses. Attends une minute, c'est, on est rendu à 8435. Hey, même Wally, t'es-tu game? Ouais. Mais non, mais on va le regarder après. Ah oui, OK, on va le regarder. Parce que c'est un peu plate, hein, dans un podcast. C'est plate d'écouter ça, hein, nous qui écoutons des vidéos. Oui. Ouais. OK. Je viens de voir l'image. OK. Non, mais il va être content, oui. Éclair de lune. Ouais. Oui. Mais là, il y a beaucoup de questions de termes aussi. Tu sais, on parle d'estime, ouais, de soi, confiance. de confiance, de raté, de résilience. C'est, tout ça est un peu flou. Et puis, on sait aussi qu'on est de très mauvais juges de ça. Hein. Tu vas juger ta confiance en toi, mais... Ben, ça ne correspond pas nécessairement à ce que tu es vraiment. L'émission, ouais, de Virginie Coussa, le trésor en moi, là. Ouais. Non, mais tu sais, les filles, ils pleurent à la fin, là, puis ils disent, là, tu sais, enfin, je vois que je suis une belle fille à l'intérieur comme à l'extérieur, puis tu sais, ouais, ça marche, cette émission-là. Là. C'était ça surtout flagrant dans l'épisode, ouais, de l'impro. Ah, oui. La jeune fille faisait une impro avec Sophie Caron. Ouais. Contre Joël Paré aussi. Exact. Oui, ouais, je me rappelle. Quelle époque. C'était rude. Pour lui donner confiance. Confiance, il faut avoir confiance. Pas avoir peur. Mm-hmm. Mais donc. Non, mais l'autosuggestion, il n'y a pas quelque chose là-dedans? Oui, t'es belle, t'es fine. Ouais, non, mais ça, tu sais, au début, tu fais. Si je me dis, je suis belle puis je suis fine, je vais rire de moi en ce moment. Ouais. Si je me dis ça dans le miroir. Arrête, t'es belle. Si je me dis ça pendant 2 ans, 3 fois par jour, peut-être qu'à un moment donné, je vais me trouver belle et fine. Non? Ben, je pense que peut-être, oui. Peut-être, mais tu ne seras pas nécessairement en confiance. Tu vas être belle et fine. Ben non, mais ok, mettons que je change. Non, mais c'est ça, mais je comprends, mais tu peux être laid, mettons, être confiant, je me regarde, je suis pas beau, puis je suis confiant. C'est ça, je trouve qu'on revient toujours à ces affaires-là. Ouais. Fait, non, faut se trouver beau pour être confiant. Ouais. Bon. Non, mais ça devient une question de... Non, je suis pas beau. Ouais. C'est parce que tu es conscient de ce que tu dégages, puis tu acceptes cette affaire-là. Ouais. C'est une question d'acceptation. Tu ne rentres pas nécessairement dans un travail d'auto-hypnose. T'es-tu en train de nous dire que c'est impossible? C'est quoi? Non, mais je dis juste... Je cherche en même temps que vous, mais je dis juste que non, ça ne s'installe pas nécessairement là-dedans. Non, mais tu dis ça, alors tu fais le gars qui se trouve pas beau, lui. Ça veut dire qu'il n'est pas confiant? Ben, c'est pas ça que je dis, Antoine! Ben non, mais tu dis, si tu dis que tu es beau pendant un an de temps, 3 fois par jour, tu vas te trouver beau. C'était un exemple d'autosuggestion. OK, c'est okay? J'ai un gros char. Je sais pas, je m'en fous, tu sais. Pas nécessairement de la confiance. Je parle du concept d'autosuggestion. Ah, OK. C'est bon? Oui. Antoine, choque-toi mais c'est pas. Un peu ça, mais le... tu me choques. Non, mais c'est pas. Je suis confiant que tu me choques. C'est vrai. Mais regarde, tu veux, tu l'as dit 2 fois, mais. Bon. Je t'auto-suggestionne. Bon, mais les je gars. Je me trouve plus beau que tantôt. Oui. Toi, non, mais belle. C'est ça le livre, Le Secret. Le Secret, là. Ouais. C'est j'ai pas lu. C'est full l'autosuggestion. Dis-moi pas la fin. Ouais, c'est vraiment ça, là. C'est de l'autosuggestion. Puis d'envoyer des pensées dans l'univers. Là. C'est un peu ça. Ouais, ben là, il y a des limites à l'ésotérisme, là. Ouais. Mais, ouais. Non, mais moi, je parle de je sais pas. Je me dis que... Il existe beaucoup de... Il y a une grande littérature sur le sujet. Oui. Il y en a plein d'affaires. Non, mais c'est pareil comme n'importe quoi dans la vie où si tu t'intéresses à un sujet, puis tu y crois, puis tu lis là-dessus, je sais pas, moi... scientifique, ben plus il va en lire, plus il va être convaincu à quelque part, ouais. ou sceptique parce que c'est un scientifique. Il y a l'intérêt d'un sujet, si on continue à l'alimenter, non, il n'y a pas de ça un peu? Oui. Je veux dire quelque chose qui peut avoir l'air très emo, mettons, mouvement chic. Mais tu sais, pourquoi on est capable d'accorder autant confiance à nos amis, aux gens proches de nous, et si peu à nous-mêmes? Mm-hmm. C'est hallucinant, alors qu'on est la seule personne sur qui on a le contrôle total. C'est vrai. Tu sais, c'est hallucinant, là. Il y a des choses que vous quatre ici, j'inclus Boli Bolo, les productions là-dedans, que je vous verrais faire très facilement, aisément. J'aurais une confiance totale en vous et que moi, je ne me verrais jamais faire, disons. Et je pense que si je mettais le miroir et je demandais, Mathieu, me verrais-tu faire ça? Oui, continue. Genre, moi, je peux faire... Fred, prends ma main, c'est exactement... Non, je peux faire des sushis, mettons. Non, peut-être pas ça. Non, on ne mangerait pas tes sushis. Tes sushis. Non, c'est ça. Non, mais oui, je comprends que des fois, comme on a comme une confiance là, énorme en des gens qui nous sont proches. Mais... Énorme. Ouais. Mais tu sais, là, je reviens là, tu parles de la confiance un peu innée en nous. Là, t'sais. T'sais, peut-être, en fait, c'est la question. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que genre faut la bâtir à l'aide d'accomplissement. Tu vas pas avoir 80 ans. Tu peux encore faire des nouvelles choses dont tu es fier. Je suis d'accord, mais reste. Oui, mais là, sans tomber dans une pop science. Non, mais tu vois, chez des jeunes, par exemple, il y en a qui sont plus confiants que d'autres. Oui. Ça ne veut pas dire que dans la vie, ça ne changera pas. Ouais. Et si tu es moins confiant, tu n'as pas moins d'appel au succès. Là. Mais ça se forme très, très tôt. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas heureux par la suite. Mais oui, à 80, tu peux devenir complètement capoté. J'ai jamais rien fait de fou, puis je saute en parachute. Mais. Si tu observes bien la vie de cette personne-là, tu fais « Ah, mais elle a toujours essayé de nouvelles affaires. » Pareil, mais dans un autre ordre d'idées, j'imagine. Mais c'est des balanciers. Tu sais, c'est comme les filles les plus confiantes de notre secondaire. Là, genre les pitounes de 14 ans qui avaient déjà genre du sexe. Ben à cette heure, ils ont 4 bébés en région puis c'est les plus grosses de notre Facebook. Ben c'est ça. C'est parce qu'ils ont eu du sexe très tôt, non protégé. Non protégé. Puis là, après ça, ils ont eu des obligations. Ils n'ont pas pu aller aux études. Fait qu'ils sont ni encore au gym, à Rimouski en train de travailler au Cineplex Odéon. Exact. Ma blonde est correcte, OK? Oui. Donc, c'est vrai, mais elle n'est pas grosse. Eh bien, elle n'habite pas en région, même si elle a eu des bébés à 14 ans. Ah, ouais. Non. Mais ça, c'est le principe du jock qui a été très bien fait dans Friends. Oui. Sur Chip, qui a une moto. Oui, sur Chipper. C'est vrai. Bon, je me souviens. Oui. Ouais. Mais c'est dur à cerner parce que c'est un concept mouvant. Et je pense que, comme tu le disais, mais je pense que les gens vont trouver leur propre confiance. Tu sais, au secondaire, tu vas avoir des groupes où tu vas te chercher. Il va y avoir quelques personnes parfois isolées, mais généralement, même les têteux qui n'ont pas l'air confiants, qui se font écœurer par tout le monde, quand ils se retrouvent ensemble autour d'une belle game de Donjons et Dragons, ils font « Wow, on est les meilleurs au monde. » C'est vrai. Ah ouais. Nous trois, puis la gang de football, puis les filles avec des enfants à 14 ans, n'ont rien compris. C'est nous autres. Il y a quand même quelque chose d'inné dans notre race là, qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. Mais Antoine, ils n'ont juste pas compris parce qu'ils n'ont pas le bestiaire monstrueux. Oui, et là, ils vont faire le saut parce qu'il s'en vient des bébites là-dedans. Ouais. Ils auraient tout compris. Le voleur de niveau 14. En deuxième édition, je parle. Continue. Mais tu sais, notre race, les humains, par sélection naturelle, je pense, les moins confiants, ils sont pas là. T'sais, on oublie qu'on va mourir, on fonctionne quand même. Je comprends qu'on peut avoir des baisses. Comme lui-même, là, il décrivait sa vie, tu fais « Ah, OK, là, t'as pas confiance, mais... t'as des amis, t'as un job, t'es capable de prendre la parole, tu fais respecter tes affaires, tu fais « OK, t'as besoin d'un bon pep talk, deux, trois claques d'en face, let's go, vas-y, mais là! » Ça revient à ce qu'on disait tantôt, t'sais, l'espèce de Maxime Chief de quand on se compare, on se console, est totalement vrai, puis aussi c'est une propension au bonheur, là, t'sais, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui... En soi, tu fais tout, mais... T'as beau te faire dire 20 belles affaires, tu vas juste te rappeler de la mauvaise, tandis qu'il y en a d'autres que c'est complètement l'inverse. Mais ça fait partie de la personnalité, c'est même pas une question de confiance. La confiance dont il me parle, là, ce serait pas ce que tu disais un peu tantôt, là, genre, j'aimerais faire quelque chose, mais je me crois pas capable de le faire. Tu sais, il y a un peu de ça. Donc, ça serait se berner soi-même, faire... de se convaincre qu'il est capable. Ouais. Ou quitte à se mettre au défi, tu sais, à chaque semaine, faire un accomplissement que tu ne te crois pas capable. Et c'est ça, on parlait tantôt. T'es pas obligé. Puis Non, mais on parlait aussi, c'est ça, d'accepter l'échec aussi, c'est ça. Je pense que ça passe par là. Ouais. Mais c'est ces deux choses-là. Accepter l'échec, puis... Puis célébrer les réussites. Genre, j'ai raté mon essai de sushi, mais j'ai été bon dans mon film porno. Il y a beaucoup trop de films porno dans nos podcasts. Là. Oui, c'est deux en deux. Salut à Julie Surprenant. J'aimerais mieux réussir mes sushis. Moi aussi, Antoine. Que ma carrière porno. Et sur Twitter, on a... Qui est bien correct, d'ailleurs, manger de la merde. Toi, ça roule, là, ça fait... Ben oui, Virginia, ça marche. Vraiment. En Virginia. Puis vous faites les DVD à la maison, en plus. Oui. Virginia. Gab Lefebvre, sur Twitter, écrit « Se tenir avec des enfants et les détruire constamment. Hein? » Ah! Ça, c'est... Oui. Ouais. Moi, je connais du monde qui font ça. Ben oui. Pas avec des le enfants. Le truc orphelin du Plessis. Avec, avec tout le monde, là. Hey, John Music, « Faire un DEP en conseil et vente. J'ai commencé ce DEP... hier, et je pense que c'est le meilleur cours pour ça. Ah, c'est bien cool. Je suis convaincu, John. ça m'a convaincu. Moi, j'achète tout ce qu'il vend. John, t'étais où toute ma vie? Ouais. Il a même pas écrit ça là, il a écrit ça dans le magazine Cool. C'est rendu. Mais pour des conseils de la vie en général, là, moi, je conseille Listserv. Je ne sais pas si vous connaissez le truc Listserv. Je pense que c'est listserv.com où ils font comme une loterie. À chaque jour, quelqu'un a le droit d'envoyer un courriel à tous les gens qui sont sur Listserv. Ah, c'est drôle! Et tu as comme 250 mots, tout ça. Puis il y a beaucoup de courriels qui sont genre, ben si je peux dire une chose à tout le monde, ça serait de... Mais t'en as des très funky, il y en a qui commencent à... font « Regardez un paragraphe de mon roman, pensez-vous qu'il est bon? » Mais tu sais, il y a plein de monde qui essaie des choses là-dessus. Mais c'est intéressant de voir ce que les gens font. Avec une tribune. Maintenant. Oui, avec une tribune d'une journée. Tu sais, ça passe une fois. Mais eux autres, leur but, c'est de se rendre à 1 million de personnes. Moi, j'attends encore là, d'être pigé dans la loterie. Tu prends ta question, toi, comment ça marche? Moi, je sais pas. Mais non, je c'est sais pas. Pige, tu fais, ça va être toi. Moi, j'ai carte blanche, j'écris ce que je veux. Nice. Mais je pense, c'est pas prêt, genre, dans faut une faut pas que je mette de lien. Parle. Non, j'ai, OK. Ouais, bon, quelques règlements. On va pas plugger notre podcast. Non. Mais je pourrais. Non, mais je pourrais te dire, j'ai parti un podcast qui s'appelle Pas de problème, mais tu sais, je fais pas de problème.com. Est-ce que je devrais changer les membres? Tu pourrais, tu sais, réveiller la planète en envoyant les paroles de la chanson « Tous les cris des SOS » en 8 langues. Non, trop de mots. Trop de mots. Ben, juste la chanson « Ça va bien », il y a moins de mots. Bonne fête. OK, bon, là, on passe-tu ah oui. Confiance. Non, aux solutions un peu plus... monétaire, qu'est-ce que tu... Non, mais tu sais, on est resté terre à terre quand même. Là. Il y a quelque chose de... Ah, mais là... La créatine, Mathieu, tu voulais nous parler de ça? Ah, ben c'est vrai que l'entraînement musculaire pour les gars, ça est bon. Non seulement pour la confiance en soi, mais tu sais, ça sécrète de l'endorphine. Puis genre, qui calme un peu tout ce jeu-là. Ça calme le jeu, en estime. Ah ouais. La drogue... La drogue, non, ça tue la confiance. C'est dur, ça. Ça tue la confiance, à la drogue? Sur le moment, c'est... Ouais. Mais de se tenir dans des cercles d'amis de gens moins intelligents, moins de fun, à un moment donné, on se comprend, on se console. C'est peut-être triste, non? On va pas faire de l'impro. Ouais. Tu sais, les gens sur Facebook qui font des dog face sur leurs photos de profil, c'est des gens qui ont l'air d'avoir très confiance en eux. Là, Plus de dog face. Ouais. Mais c'est des fois des vrais canards qui se maquillent bien. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas pire. Chirurgie. Une petite chirurgie. Sourire constant. Oui. Dans la chirurgie. Des boules. Confiance. Maquillage permanent. Maquillage permanent. Moi, ouais, tu connais maquillage. Ouais. Mon plan, c'est d'avoir deux domaines où tu te débrouilles. OK. Comme moi, par exemple. J'ai comme les échecs, disons. Ouais. Mm-hmm. Bien humblement. Là, tu débrouilles par rapport à ton cercle. Puis, non, c'est pour ça que ça prend une deuxième affaire, puis genre l'impro, sans prétention. Ouais. La vaisselle. Parce que quand ça va mal en impro, voyage, il me regarde bien, je le battrai aux échecs, innocent. Là, je comprends qu'il était plus drôle que moi. Quand je joue aux échecs, puis ça va mal, je fais, j'aimerais ça le voir dans une impro contre moi. Alors là, je suis badé. Là. Peu importe ce qui arrive, n'importe où, je fais « mais... » Jusqu'à temps que tu rencontres Caspar Impro. Oui, Kasparov, qui le nouveau des Blue, qui est un programme d'impro. Ben là, ça me prendrait juste une troisième affaire. Une troisième affaire où je me débrouille. Ouais, mais moi, en tout cas, j'ai un podcast. Pas piqué des verres. Fait que toi, tu fais un podcast aussi. Alors, comme ça, t'es padé, puis à la participation, t'es capable d'aller puiser dans un domaine où tu fais « je suis bien ». Il y en a qui font ça avec eux-mêmes, leur bonheur, leurs enfants, leur famille. Leur odeur. Mais toi, Antoine, tu crois pas que c'est possible à notre âge de changer un petit peu? Ah oui, sûrement. Ouais. Mais moi je suis un grand partisan du détachement. J'ai la confiance, mais c'est par rapport aux autres. Ah oui, oui, ok. Non, mais c'est ça. Mais mettons qu'on met ça sur une autre affaire, là. Une autre chose que tu voudrais changer, toi. Mettons, on te demande, Antoine, qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie? Là, mettons. Ma confiance en moi. À part ta vie. En avoir moins. Oh, hein? J'en ai trop. J'en ai trop. Ouais. Qu'est-ce que je veux changer? Non, mais mettons quand tu dis, je sais pas, n'importe quoi, une habitude, quelque chose de tu sais, je pense que... Tu sais, c'est ça, on se construit quand on est jeune, mais je pense qu'il y a toujours place à... Ah non, mais moi je suis d'accord, je pense qu'il y a un bon bout de fait quand on est jeune, en introduction. Mais oui, ben oui, on peut changer. Mm. Changeons. Moi, j'espère qu'Antoine ne changera jamais ses yeux, mon cœur. Oh non. Je suis brisé. J'ai plus de confiance. Le peu de confiance que j'avais. Parce que moi, j'espère que je vais changer son T-shirt. Ah, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, on a besoin de vous pour un concours, là. Hein? Ouais. Mais il est bon, son T-shirt, aujourd'hui. C'est quand, malgré les échecs, j'ai toujours les échecs. Oui, c'est vrai, c'est possible. Oui, c'est un bon aujourd'hui. Moi, je le cautionne aujourd'hui. Lui. Puis dans le dos, c'est écrit « C'est moi la reine ». Ça, mais on le voit moins. Ça, c'est pas... Ouais. Puis ça te va bien, un col Mao. Oui. Ah bon. Hey, un t-shirt col Mao. Ça change de l'autre. Oui, des chemises shirt col Mao. Oui. Ouais. Ouais. Un petit chemise. Une belle leçon de confiance en soi, là. N'était-ce pas... Oh, fuck! J'ai échappé la bière. N'était-ce pas un des livres de la série, un bel exemple de confiance en soi? C'est absorbé. C'est absorbé. Maurice Richard. Maurice Richard, c'est ça? Ouais. Ouais. Fait que ça, on peut lire ça. Ou sinon, la chanson de Fräulein Maria dans The Sound of Music. Là. Moi, j'ai confiance en toute chose. Non. Oui, excuse-moi, tout à fait. J'ai confiance en moi, je pense que c'est ça le nom de la chanson. OK, l'entraînement aux échecs. Mais pas le jeu, mais l'échec dans la vie. Oui. Moi, je ferais ça. Mais je sais pas comment. Ben écoute, on t'sais, est... Tu sais, pas se pitcher d'une falaise, parce que là, tu as plus de chance. Je pense pas que t'as besoin d'aller chercher très loin pour constater, sans parler d'échecs de... Tu le disais, tu as pris une résolution, puis tu as fait ce que tu as pu, puis ça ne fonctionne pas. La plupart des choses que je fais, moi, sont pas correspondent pas à mes attentes. Non, mais tu sais, un truc. Un petit peu en dessous, tu fais un repas, tu as bon. Essayer une recette plus difficile. Si tu as réussi, c'est le fun. Si tu as manqué, c'est pas grave. Les recettes difficiles. Moi, je trouve que j'aime ça, cette solution-là. Tout à fait. Mais là, tu te mets à toutes les réussir. Tu fais, non, ça me prend des échecs. Je vais m'appeler Julia. Oui. Ou, tu sais, fabriquer des casquettes. C'est pas dur, c'est pas facile, je veux dire. Mathieu, c'est ton défi. Fabriquer une casquette? Voilà. Je vais me fabriquer moi-même. Fred nous fait des recettes difficiles. Je serais même pas capable. Hey, moi, là, je me suis donné un défi, là, à l'Action de grâce, de réussir un centre. Je m'en rappelle, j'allais en parler. Mon centre de table? Ouais. Tu sais, c'était très lettre, mais j'étais très fier. Yeah. C'est vulgaire. Hey. Non! Pas vrai. Moi, j'ai réécouté un podcast où Antoine nous promettait un site internet pour 2011. Ah ouais? C'est très réussi. Ouais. Regardez, j'embrasse l'échec. C'est fini, les sites internet. Hey, je veux juste faire écouter quelque chose, messieurs. Ça sera pas long? Et là, ta pilote, c'est la moins populaire, celle-là. Coup d'enclume! Ouais, on va la regarder tantôt. Alors, l'homme au ballon dans la fourche, allez voir ça sur YouTube. Ça me fait déjà rire. Puis après, vous irez voir encore la fourche à Renault. sur plein d'autres sites. Il se déchire le fond de culotte en faisant du parcours. Ah oui, mais ça, c'était à l'émission de Voice. Hein? Non, c'est la même. Non, c'est la même, excuse-moi. Ah, oui. Je pensais qu'il se déchirait le fond de culotte en chantant. Oui, oui, c'était pour impressionner Jean-Pierre Ferland. Et si vous êtes gentil, bientôt, j'ajouterai la fois où j'ai dit « Nuntai » au lieu de « Noitai ». Avec Rose Maïté. Oui, je me rappelle. C'est un beau moment, ça. Ouais. Noontai. Le regard, quand on se jette, veut tout dire. C'est, t'as vraiment dit ça? Oui, j'ai vraiment dit ça. On continue. Quelle époque. Wow. Mais t'as confiance, ça passe. Oui, oui, oui, on continue. Ouais. Mais il y a de ça. Des fois, non, mais des fois, il y a des petites tempêtes là, qui font en sorte que tu la confiance se fait plus difficile parce que tu te mets au dire l'échec, je suis capable de vivre avec ça, mais bing, bing, bing. Ouais, des fois, c'est en calvacade, là. Ouais. Le cercle, c'est ouais, le cercle. C'est renverser la vapeur, en fait, qui est, ouais. Je pense qui est plus difficile, mais une fois que c'est renversé, wow. You're home free, baby. Yeah. Fait qu'il faut dédramatiser. Dédramatiser. Dédramatiser. Bébé, faut pas dramatiser. Après tout, c'est comme ça. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oh, et voilà. Bah. Donc, J-Squad l'avait tout dit. Mm. Mm-hmm. C'est vrai. Vos solutions préférées? Gandhi, mon gars. Grandi, ouais. Gandhi, quand on lui posait la question « Avez-vous confiance en vous? » Il dit « Non, mais je suis moi-même. » Wesh! Non, tu sais, Gandhi, il a pas confiance. Mais il se prend pour une gang. Il prenait toute la place. Non, mais il y avait quelque chose. Il y avait une force. Il se prend pour une gang. Dans le rien. OK, c'est les recettes difficiles, ma solution préférée. J'espère. Ouais. Non, mais il y a de s'assumer, là, tu sais, c'est ça. Quand tu vois un gars avec une grosse Corvette, tout le monde dit « Ah, petite quéquette », tu sais, tu fais… Il y a de ça dedans. Ouais. « Je vais compenser pour mon manque de confiance. » Tu t'assumes. Ouais. Les gens font « Hey, ils s'assument. Ouais. » Il y a une petite quéquette. Hey, moi, à sa place, j'aurais tellement une Corvette. Comment veux-tu? Ça. Ouais. Ouais. Les minuscules. C'est ce qu'elle fait à sa fière. Je veux pas croire qu'on parle de Gandhi depuis tout ce temps-là. Ouais. Ah, Gandhi, exact. Petite quéquette. Ouais. OK. Alors, si vous n'avez, vous, des solutions, écrivez-nous ou des commentaires directement sur Facebook. On a notre page groupe où on peut s'écrire. Mais les commentaires, vous pouvez écrire ça sur notre page fan. Oui. C'est page groupe, on va prendre... Ouais, c'est ça. Page groupe, on va prendre vos problèmes. Hein? Oui, exact. Oui, exact. Continuez à nous suivre sur Twitter. Et suivez-nous aussi sur... personnellement... Mathieu Bouillon est sur Twitter. Ah, oh ben, plus bien, mais j'ai ça. Suivez-le pareil, ouais. Il écrit une chose par année. Par année. Oh. Jean-Philippe est rendu vraiment bon. Écoute, je comprends de plus en plus. Oui, bravo pour ici, Jean-Philippe. Ah, ben merci, ouais, c'est bravo. Merci. Lâche pas. Et LOL, par exemple, Antoine. Pas grave, je suis en confiance. Bravo. Toi, ça te fait voyager au loin. Longévité. Ouais, c'est ça. Tu tournes pas tout à Candiac. C'est ça, non, ouais, Colin. Oui. Donc, bravo à tous. Hein? Ouais, bravo moi, tu me félicites pas pour mon émission à sketch? Oui. Sidley, que ça s'appelle, je pense? Oui, c'est ça. Ouais. Non, c'est moi, 9 heures de sketch par moi, jour. Moi, c'est le sketch show, CHAUD. Ah, il faudrait penser aux gens qui habitent ici, peut-être. Oui, ouais. Peut-être, hein, parce qu'à un moment donné, ils vont s'endormir pendant qu'on le fait. Oui. Et Martin, dis-nous le mot de la fin. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Solide.